Vous écoutez l'émission de Marie-Claire Tellier. Actualité internationale, un nouveau regard sur Radio Impact. Durch Schnee und Trümmer auf. Wir laufen meilenweit, wir haben uns zu laufen. Wir laufen meilenweit, uns geht schon schwer die Füße. Wir laufen meilenweit, uns tut schon weh die Füße. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Klimmen schwere Hänge. Wir laufen über Scherben und auch Trümmerhaufen. Wir laufen meilenweit, wir haben uns zu laufen. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir laufen über Flüsse und auch noch durch Meere. Wir laufen über Scherben und auch durch Trümmer. Wir laufen wirklich weit, wir können fast schon nimmer. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie wir. Wir sind wohl einfach nicht so weit wie die alte Tucke ist wieder da. Die alte Tucke ist wieder da. Die alte Tucke ist wieder da. Die alte Tucke. Thank you. Bonjour tout le monde, ici Marie-Claire Tellier. Nous sommes le 8 mai et ce matin, chez nous, il y avait de la neige. Bon, je vais commencer mon premier article. La 5G provoque le COVID et d'autres raisons de désactiver Internet. L'article est en date du 6 mai 2020. Il a été écrit par Jack Earth, Phil, Anne New et Orage. L'avènement du virus COVID et le suicide assisté de l'Occident aux mains de l'Organisation mondiale de la santé et de la direction politique incarnée par le Donald Trump Show nocturne, beaucoup de bruit est fait sur la mise en œuvre de la 5G en Amérique. La majeure partie, sinon la totalité du moins en Amérique, remonte à l'ancien employé du Vodafone, Joe Imbrayo. Un homme qui prétend croire que Dieu a créé la terre et les cieux en 7 jours. Cela ne fait qu'empirer. Après cela, on pourrait appeler cela de la malbouffe ou de la pseudo-science, mais cela lui donnerait plus de validité que cela ne vaut. La science n'y est pour rien. Il s'agit d'un exercice de Bible qui s'applique à la racine de la science empirique. La réalité du monde dans lequel nous vivons commence par une théorie mathématique de la communication. Un article en 2 parties du mathématicien de Bell, Claude Shannon, paru dans les numéros de juillet et octobre 1948 du Bell System Technical Journal, Shannon commence par dire « Le problème fondamental de la communication est celui de reproduire à un moment donné exactement ou approximativement un message sélectionné à un autre endroit. » L'article de Shannon allait devenir le fondement de la théorie de l'information, une variation de la théorie des jeux de John von Neumann. La théorie de l'information traite de la quantification, du stockage et de la communication de l'information. La théorie de l'information est utilisée en informatique quantique, en intelligence artificielle, en cybernétique, en neurosciences, en génie électrique et en calcul de trous noirs. Les sciences sont le moyen le plus efficace de résoudre le problème fondamental de Shannon grâce à la communication sans fil en utilisant des fréquences pour diffuser les informations. Les calculs mathématiques requis pour comprendre l'interaction des fréquences dépassent le cadre de l'éducation de la plupart des profanes. Mais cela n'excuse pas d'ignorer ce qui se trouve juste devant nous. C'est le printemps et dans chaque arrière-cour en Amérique, les oiseaux bavardent avec enthousiasme alors qu'ils vaquent à leur occupation d'élevage et de construction de nids. Il ne tombe pas mort dans l'air alors que le docteur Frankenstein ordonne à Igor d'alimenter son système diabolique 5G. Les chrétiens fondamentalistes américains vivent dans un monde de bandes dessinées bizarres qui ne se prêtent pas au paradigme holographique et au transformé de Fournier et à la guerre biologique. Ils insistent sur le fait que la 5G va interférer avec l'absorption d'oxygène dans leur sang comme prévu et ils situent les expériences vieilles de 15 ans faites avec 60 gigahertz formant des bandes d'absorption d'oxygène dans les molécules atmosphériques flottant librement. L'hémoglobine, le sang, une histoire entièrement différente, n'est jamais mentionnée une seule fois dans le document de 14 pages destiné aux scientifiques de l'industrie travaillant dans le domaine de la télédétection de l'atmosphère terrestre, de la communication sans fil par micro-ondes et des applications industrielles. Les grandes entreprises manifestent de l'intérêt pour les systèmes de communication fonctionnant à 60 GHz depuis au moins 20 ans maintenant. L'octroi de licence par la FCC, ça veut dire Federal Communication Commission aux États-Unis, peut être moins réglementé. Éviter les enchères locales coûteuses pour des zones limitées, minimiser les interférences et maximiser la dispersion rapide des informations. Théoriquement, 100 000 systèmes fonctionnent à 60 GHz. Ils peuvent être co-localisés dans une zone de 10 km² sans problème d'interférence. L'information est la marchandise la plus précieuse qui soit, et ça l'a toujours été. Comme dit le vieux proverbe juif, donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pendant une journée. Apprenez à un homme à pêcher et vous le nourrissez toute sa vie. Le commerce de l'information est très compétitif et parce qu'il a déjà été mis en œuvre, la 5G, la Chine dispose désormais d'un énorme avantage dans sa guerre économique avec l'Amérique. Les sociétés mondialistes recherchent la parité technologique avec la Chine. Elles ne cherchent pas à dépouiller et à corrompre les plus précieux fluides corporels des chrétiens. Dieu s'en sorte. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Cela dit, il ne s'agit en aucun cas d'une approbation de la 5G, des millions de réseaux diffusant sur des fréquences au mieux sans licence et réglementées par la FCC pourraient conduire à toutes sortes d'activités néfastes. Phil, qui n'est pas son vrai nom, est un spécialiste de renseignement avec plus d'un quart de siècle d'expérience dans les applications militaires pour les communications sans fil. Je suis un profane en ce qui concerne la compréhension des fréquences. Phil est un professionnel et il a été assez bon pendant son temps libre pour écrire ce court essai vous expliquant exactement ce que la 5G peut et ne peut pas faire. J'ai souligné en gras certains passages les plus pertinents. Vous comprendrez pourquoi en lisant la dernière partie. Là, c'est Phil qui parle, on ouvre les guillemets. J'ai fait pas mal de recherches et d'analyses dans de récentes études d'ingénierie radio et médicale des traités concernant la 5G. Dans le monde aujourd'hui, il existe de nombreuses fréquences de résonance mesurées en briquant au niveau atomique, moléculaire et cellulaire. Bien que la plupart nécessitent un peu de conversion unitaire des mesures utilisées dans les documents vers une forme courante de mesure de longueur d'onde ou de fréquence de résonance. Conclusion. La 5G n'est pas vraiment différente de tous les systèmes de communication numérique cellulaire précédents en termes de gamme de fréquences et dans lesquelles elle opère, de puissance porteuse et de moyens par lesquels les communications sont effectuées. La différence majeure à la surface est que les systèmes 5G ont la possibilité de changer d'antenne sur la même tour pour s'assurer que le récepteur, qu'il s'agisse d'un téléphone portable, d'une montre, d'une automobile ou d'un humain, reçoit le signal avec la plus grande force. C'est ainsi que les ingénieurs ont traité la question des pertes de signal à distance. Une note rapide ici. La force d'une onde électromagnétique chute de l'inverse du carré de la distance du récepteur. Le rayonnement électromagnétique des systèmes de communication cellulaire numérique peut-il endommager les cellules vivantes? Oui, tout rayonnement EM, quelle qu'en soit la fréquence, quelle qu'en soit la source, peut obtenir le soleil brûlé à droite, en gras. Les nouveaux systèmes 5G sont-ils conçus pour le faire dès le départ? Je ne pense pas, au niveau du développeur ou du fabricant. Le support ou le signal pourrait-il être manipulé de manière à affecter des individus, des types de cellules individuelles ou une population particulière? Oui, les infâmes pourraient concevoir une transmission, entre parenthèses, encore une fois, quel que soit le type de signal, AM, FM, 3G, 4G ou 5G, fermez la parenthèse, qui peut augmenter les chances que le signal ait l'effet souhaité sur un organisme ou sur un atome. Nous savons que ce n'est qu'une vague. Une chose dont nous devons nous souvenir à propos des vagues est que, par définition, les vagues, comme celles que vous pouvez voir à la surface de l'eau, ou électromagnétiques se répètent au fil du temps. Le temps nécessaire à une onde pour se répéter est appelé longueur d'onde. De l'autre côté de cela, ce que nous entendons souvent, c'est la fréquence. Ceci est une autre mesure de la forme de l'onde. C'est le nombre de fois où une onde se répète dans un laps de temps donné et généralement des ondes et des cycles mesurés par seconde appelés hertz. Les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière et elles suivent les principes de physique classique bien éprouvés et sont donc mesurables. La mesure de l'énergie dans une onde est appelée amplitude. Et pour la dernière des définitions, la mesure instantanée de la position de l'onde dans son cycle est appelée phase. On retourne au caractère gras. Qualifié. Pour cette discussion, nous n'entrerons pas dans les calculs ou les théories de la physique quantique qui brouilleraient le dialogue. Gardez à l'esprit qu'au niveau quantique ou sous-atomique, il a été démontré qu'influencer un électron libre qui a été séparé d'un atome ailleurs dans l'univers peut être influencé instantanément par une action ou un changement de fréquence de résonance dans un électron apparié ailleurs dans l'univers. Fini le caractère gras. Lorsque les ondes 5G interagissent avec l'ADN humain ou d'autres parties de cellules minuscules, il y a atténuation ou absorption d'une infime quantité d'ondes 5G. Cette interaction entraîne la libération d'énergie de l'onde qui se propage vers celle qui frappe. Dans le cas des cellules ou de parties de cellules, c'est-à-dire un brin d'ADN, cette énergie dans le système ou la cellule doit nécessairement être dissipée d'une certaine manière pour que la forme d'onde affectée puisse revenir à son état d'équilibre et de fonctionnement. Dans l'ADN, il a été démontré que l'énergie électromagnétique absorbée entraîne une quantité infime de rayonnement d'énergie UV hors du brin d'ADN. La quantité interaction atténuation de l'onde en mouvement est affectée par le champ magnétique dipolaire instantané d'un électron ou en d'autres termes la position de l'électron par rapport au noyau lorsque l'interaction avec l'onde extérieure se produit. La phase d'un électron où elle se trouve sur l'orbite autour du noyau est l'un des principaux déterminants de l'effet d'onde extérieure sur l'électron et l'atome. Cela s'applique également lorsque vous commencez à entrer dans les formes d'ondes combinées que nous appelons les molécules du brin d'ADN ou des protéines d'ADN individuelles. L'endroit et la durée de l'interaction de l'onde extérieure avec l'onde complexe d'un brin d'ADN détermineront l'ampleur de l'effet de l'onde sur l'ADN. L'énergie des vagues extérieures est souvent si faible que lorsqu'elle parvient à filtrer ou amortir les tissus ou même l'air, alors qu'il y a peu d'énergie à communiquer à l'extérieur d'une cellule. Il se passe beaucoup de choses dans ce domaine. Les machines Rife tentant sont désormais des spectromètres et des microscopes électroniques modernes. Ce que les gens ont du mal à saisir, c'est que plus la longueur d'onde est courte, et plus la fréquence porteuse est élevée. L'onde se déplaçant à la vitesse de la lumière avec une longueur d'onde très minime prend très peu de temps pour être renversée ou l'énergie de l'onde absorbée ou transférée vers une autre forme d'onde telle qu'une molécule d'oxygène voyageant à travers l'espace entre l'émetteur et le receveur. La répétition et la détection, correction des erreurs doivent être intégrées au système pour faciliter la transmission correcte du message. Lorsque nous parlons de 5G, certaines des fréquences des ondes porteuses sont très élevées, ce qui signifie que les longueurs d'onde minuscules, presque dans la gamme de la lumière visible, dans ce cas, il ne faut pas beaucoup d'interactions avec d'autres vagues, des solides, des gaz, etc. pour absorber l'énergie de l'onde qui se déplace. Une collision avec une molécule de dioxyde de carbone peut avoir et a un effet sur les ondes progressives. Ceci étant dit, les longueurs d'onde de particules, atomes, brins d'ADN, cellules, composantes, entre parenthèses, os, organes, etc., fermez la parenthèse, auront toutes leurs propres formes d'ondes électromagnétiques complexes combinées. Plus l'agglomération est grande, plus la fréquence de résonance dans l'ensemble est faible. C'est pourquoi des ondes de très basse fréquence ont été utilisées dans Rifle et dans d'autres cicatrisations résonance ou basées sur le son. Des études montrent que le corps humain a une résonance entre 5 et 10 Hz. La planète elle-même a une fréquence de résonance ou, en d'autres termes, la planète vibre en continu à 7,42 cycles par seconde. C'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Les basses fréquences sont entendues et ressenties et affectent un plus grand nombre de cellules en les amenant à une résonance sympathique avec la fréquence de l'onde d'influence. Bien que le signal 5G transmette une certaine énergie au corps, il se trouvera dans très peu de cellules à un moment donné. C'est-à-dire que cela ne causera pas de cancer? Non, cela pourra causer des dommages, mais les chances sont faibles car l'énergie transférée reçue est faible. S'il y a des dommages, cela se manifestera soit comme un problème latent dans quelques cellules dont le corps s'occupera, soit provoquera la mort cellulaire dans quelques cellules et encore une fois, le corps s'en occupera. Une vidéo récemment publiée, Out of the Shadows, dit que l'utilisation des ondes à très basse fréquence sur les ondes porteuses est une forme de contrôle de l'esprit. Cette déclaration est peut-être correcte et va dans mon prochain examen des transmissions 5G et radio en général. Fondamentalement, toute onde électromagnétique d'énergie peut avoir un effet sur tout autre corps électromagnétique. Bien sûr, les formes d'ondes électromagnétiques sont ce qui compose l'univers entier dans lequel nous nous trouvons. Pour qu'une onde électromagnétique ait un effet sur un être vivant, l'onde transmise doit être proche de la fréquence de résonance du corps à influencer ou d'une énergie signativement élevée. Les communications transmises par signaux électroniques ne correspondent pas souvent proprement à la résonance des fonctions cellulaires humaines. Par conséquent, si l'on souhaite influencer la fréquence de résonance de quelque chose, le signal provenant de l'antenne doit être façonné. Une démonstration de résonance pourrait être mise ici. Placez deux diapasons à moins d'un pied de l'autre. Frappez l'un et l'autre sentiront la vague et commenceront à vibrer aussi. Si la note ou fréquence naturelle de diapason est trop éloignée sur l'échelle, le passif aura peu d'inclination pour commencer à résonner à la fréquence de celle frappée. La mise en forme d'une onde est telle que lorsque le signal est reçu, il y a d'autres signaux dans la forme d'onde transmise qui sont perçus au niveau du récepteur comme suffisamment proches de la fréquence naturelle pour amener le récepteur à résonner avec le nouveau signal reçu. Cette mise en forme peut être effectuée en utilisant des motifs répétitifs influençant ou modulant la porteuse qui produit ensuite des harmoniques, qui sont des ondes positives ou négatives à des multiples entiers de la longueur d'onde, entre parenthèses cycle du paquet d'énergie influençant l'onde porteuse. En changeant la longueur du paquet, on peut changer les harmoniques et les déplacer sur l'échelle afin que les harmoniques soient la fréquence souhaitée pour induire plus probablement la résonance. Pour les humains, il a été démontré il y a de nombreuses années que la meilleure onde porteuse, la plus pénétrante pour pénétrer le corps humain, se situe dans la plage de 5 MHz. C'est une longueur d'onde 1000 fois plus grande que les porteuses 3G, 4G ou 5G, bien que l'onde qui tue un virus ou une bactérie soit plus susceptible d'être de l'ordre de 3 à 10 Hz. Cela ne veut pas dire que l'ADN ne peut plus recevoir de signaux et être influencé par les ondes de longueur d'onde du nanomètre. Un brin d'ADN humain entièrement déroulé d'environ 2 mètres de long a une plage de fréquence de résonance similaire à la plage de fréquence de fonctionnement de l'appareil sans fil actuel. Le problème de l'éléphant dans la pièce n'est pas que la 5G tue, mais comment programmer la vague? N'importe quelle vague pour interagir avec un organisme vivant donné sans être attrapé. Ceux qui ont de l'argent pour embaucher un groupe électrique de scientifiques pourraient probablement le faire. Est-ce intentionnel de la part des fabricants qui veulent vendre plus gros, mieux et plus vite? Peut-être, mais peu probable, car tout financement public légitime se tairait. J'envisage le problème depuis la première fois que je suis allé travailler autour d'un système de communication à micro-ondes, gamme des gigahertz, j'ai entendu parler d'oiseaux volant devant ses antennes et frappés morts en vol. Ma première pensée a été que, comme c'était un système à micro-ondes, l'oiseau a été zappé comme un morceau de poulet dans un four à micro-ondes. En utilisant cette analogie, je pense que l'on peut mieux expliquer comment les micro-ondes ont leur effet. Ce n'est pas le signal électromagnétique de haute puissance qui influence la programmation au sein des cellules, autant que plus que la source de transmission est proche, plus l'exposition à l'énergie de l'onde transmise est importante. Cette énergie électromagnétique donne de la chaleur. Lorsque l'onde rencontre quelque chose. La vague fait vibrer tout ce qu'elle rencontre et la vibration provoque de la chaleur. C'est pourquoi les aliments à micro-ondes deviennent chauds. Ou comment DARPA a utilisé ARP pour chauffer l'ionosphère. Les vagues transmettant de l'énergie à l'objet, dans cet exemple, un oiseau ou des atomes dans le ciel, c'est la chaleur qui tue, pas la fréquence ou la longueur d'onde. Les aspects techniques et mathématiques du fabricant de systèmes électroniques n'excluent pas les dommages involontaires aux humains. L'utilisation d'ondes électromagnétiques pour influencer une personne d'une manière ou d'une autre à partir de la 5G ou d'autres systèmes de communication utilisant l'énergie électromagnétique, par exemple la radio, la télévision, les ordinateurs, les moteurs automobiles, etc., est une autre considération. La transmission quasi instantanée de signaux électromagnétiques à une synapse à une autre dans le cerveau peut certainement être influencée par des sources extérieures. Un exemple est la difficulté de penser après avoir mangé un repas riche en glucides. Les mesures des ondes cérébrales indiquent que l'état de fonctionnement a changé. Les biologistes disent que c'est dû au changement de la chimie. Un physicien expliquera que la nourriture ingérée contient des milliards de particules fonctionnant chacun à sa propre fréquence. Si la forme d'onde est une molécule alimentaire ingérée égale ou proche de la fréquence de la résonance de la fréquence du fonctionnement d'une cellule cérébrale, elle peut déplacer la fréquence de fonctionnement du cerveau. La même chose se produit avec le sens de l'ouïe ou de la vue. Quand on se retrouve devant un temple avec des cloches ou des gongs à basse fréquence frappés répétitivement, le taux de répétition de la frappe du gong et le taux de répétition de l'onde sonore ont tous deux une influence sur le corps et les mesures d'ondes cérébrales. Pour un autre exemple, pensez aux influences d'un concert ou d'un grand rassemblement. Des applaudissements à la main, de la musique à un rythme fréquence particulier peuvent provoquer de l'euphorie ou des nausées. C'est un autre cas d'influence sur l'état de résonance naturelle de l'être. Les lumières clignotantes peuvent également avoir une influence sur les ondes cérébrales. Cette condition du changement d'une fréquence de fonctionnement à une autre par une influence extérieure est appelée entraînement. Revenons à la 5G ou à la question des communications cellulaires de cinquième génération. La forme d'onde complexe influence-t-elle les gens? Hors de la boîte, il est susceptible d'avoir une influence similaire au soleil, au vent, à la mer ou aux formes d'onde complexes de l'univers. La forme d'onde complexe d'une forme d'onde électromagnétique créée et transmise peut-elle faire entendre des voix ou ressentir des pensées étranges, des nausées, de l'euphorie, de la dépression, des pensées suicidaires? Potentiellement, grâce à la construction spécifique des signaux d'entretien, de tests d'une onde complexe transmise, les cellules et les fonctions électriques d'un corps, d'un cerveau, d'une molécule d'ADN, d'un virus, d'une bactérie peuvent être amenées à changer d'état. Ceci est également fortement influencé par la force des signaux. Trop tout brûle, trop peu, il ne peut pas surmonter les propres champs d'énergie de ses récepteurs. La 5G a-t-elle une plus grande capacité à provoquer ces effets? dans le rétrécissement de la transmission par système à faisceau, à un faisceau de 15 degrés de l'antenne, il garantit que la plus grande force du signal est toujours reçue sur le téléphone portable, la montre ou tout autre appareil connecté. Ainsi, nous considérons que la quantité d'énergie disponible pour le transfert des données est plus importante dans ce système. Pardon. Il s'agit du principal facteur et de la différence dans laquelle la nouvelle génération de transmission des données électromagnétiques, puissance plus élevée au niveau du récepteur pour plus de clarté et de vitesse de communication. La forme d'onde électromagnétique complexe est partout dans le faisceau d'énergie de 15 degrés transmis par l'antenne. Si vous êtes dans le faisceau, vous recevrez le signal de la même manière que votre téléphone. Voici ma conclusion de chapeau de papier d'aluminium. Étant donné les données de localisation GPS intégrées au système de communication cellulaire et la connaissance qu'une cible est probablement attachée à un appareil particulier, à un endroit particulier, au mauvais acteur pourrait, avec suffisamment de ressources, concevoir un signal électromagnétique complexe pour la transmission à l'emplacement de la cible périphérique connecté au réseau qui pourrait provoquer une certaine forme d'effet sur tout ce qui est sous l'influence du signal transmis. Bien sûr, cela n'est pas connu de la personne qui tient le téléphone portable. Voici la conclusion de l'ingénieur. Le système est conçu comme toutes les formes de communication. Il est conçu pour établir une liaison bidirectionnelle entre deux stations, ce qui permet à l'émetteur de partager des données, des observations et des commentaires avec le récepteur avec un minimum d'erreurs et une reproduction maximale de la pensée, de l'idée ou de la donnée transmise. La différence significative dans ce système est qu'au lieu de crier au monde dans toutes les directions, l'émetteur crie à travers une tranche plus étroite de 15 degrés créée par l'antenne. C'est comme utiliser un mégaphone pour s'assurer que tous ceux qui ont besoin d'entendre le font. Les dernières réflexions, le complexe militaro-industriel a les ressources pour faire de chaque homme, femme et enfant une marionnette sur une corde grâce à la manipulation et à la transmission de l'énergie électromagnétique en ondes complexes. C'est le cas depuis la diffusion de la première publicité radio sur le sans-fil au 19e siècle. Ils ont augmenté la capacité au cours des dernières années. Ce même groupe de scientifiques a-t-il utilisé des formes d'ondes électromagnétiques complexes pour ouvrir des portails dans le tissu EM de l'univers ou écrase-t-il les formes d'ondes de la réalité? C'est probablement une théorie faisable. Affilier le fanatisme des entreprises occidentales entièrement motivées par la cupidité pour la technologie 5G avec le scénario apocalyptique avec lequel les médias ont dépeint COVID est presque compréhensible. Le prix du pétrole a chuté et au moment où cette folie médicale suit son cours, il en sera de même pour les budgets de survie de la plupart des gens au cours des 20 prochaines années. Des jours étranges nous ont trouvés et nous nous retrouvons à porter des masques en public et à vivre dans un état de psychose paranoïaque tout ce avec quoi nous sommes en contact. Le scénario Lovecraftien surgit et est indiciblement diabolique avec l'arrestation fin janvier du docteur Charles Lieber, 60 ans, directeur du département de chimie et de biologie chimique à l'Université Harvard. Au cours des 12 dernières années, Lieber a reçu 15 millions de dollars de subventions des National Institute of Health, NIH, et du Department of Defense, DOD. La majeure partie venant du DOD. Il y a un peu plus de 9 ans, Lieber est devenu un scientifique stratégique à l'Université de technologie de Wuhan, en Chine, et a été un participant contractuel au plan de 1000 talents de la Chine de 2012 à 2017 environ. Le plan des 1000 talents de la Chine est l'un des plus importants plans de recrutement de talents chinois qui sont conçus pour attirer, recruter et cultiver des talents scientifiques de haut niveau afin de promouvoir le développement scientifique, la prospérité économique et la sécurité nationale de la Chine. Au terme du contrat de 3 ans, The Thousand Talents de Liebert, WUT, ça c'est le laboratoire à Wuhan, a payé Liebert 50 000 $ américains par mois, des frais de substance pouvant atteindre 158 000 $américains à l'époque, et lui a attribué plus de 1,5 million de dollars américains pour établir un laboratoire de recherche à WUT. En retour, Liebert était obligé de travailler pour le WUT, pas moins de 9 mois par année. Apparemment, Liebert a négligé d'informer le DOD de sa liaison torride et lucrative avec le WUT et leur a ensuite menti. C'est de cela qu'il a été inculpé. Le New York Times a couvert l'incident avec un article intitulé « Avec une mauvaise excuse pour un jeu de mots ». Les États-Unis accusent le scientifique de Harvard de dissimuler le financement chinois. L'article du 28 janvier a été écrit avec une tournure audacieuse. Maintenant particulièrement répréhensible à la lumière de la grippe de Wuhan, selon laquelle les scientifiques seront scrutés à la recherche de sources légitimes de financement international. Il faut s'interroger sur le New York Times. Peut-être leur acharnement à le défendre est motivé par le fait que Liebert, en tant que juif et lauréat du prix Wolf en chimie en 2015, est lié à la hanche à Israël, leur sponsor. Le Dr. Charles Liebert n'est pas n'importe quel ancien président de Harvard. Il pourrait très bien être le scientifique expérimental le plus brillant jamais produit par l'Amérique. Liebert est connu pour faire en sorte que cela se produise dans son laboratoire. Il y a plus de 20 ans, il a révolutionné la nanotechnologie en inventant une méthode utilisant des solutions alcoolisées pour fabriquer des fils de seulement 3 nanomètres. Un nanomètre est un milliardième de mètre ou 100 millième de la largeur d'un cheveu humain. À travers qui peut être produit relativement bon marché sur une paillasse avec quelques milliers de dollars d'équipement. Au début de l'article de Harvard Magazine de 2001, faisant l'éloge de l'œuvre de Liebert intitulé « Liquid Computing », l'auteur demande au lecteur d'imaginer un ordinateur suspendu dans un flacon de liquide qui s'assemble lorsque le liquide est versé sur l'ordinateur de bureau. Au moment où il a estimé, avec des méthodes utilisées, que le mur serait percé pour les transistors de miniaturisation au milieu de la deuxième décennie du 21e siècle, mais au lieu de raser des morceaux plus gros pour en faire plus petits comme cela se faisait, Liebert, utilisant essentiellement l'impression 3D ou la fabrication auditive, a utilisé des morceaux plus petits pour assembler ce qu'il voulait. Cela a permis à la nanotechnologie de produire des capteurs de la taille d'un virion et éventuellement des machines autonomes mesurées en nanomètres. L'article affirmait que Liebert avait déjà produit un transistor de seulement 10 atomes de diamètre. Une décennie plus tard, Liebert avait compris comment, en utilisant des nanofils pliés à un angle de 120 degrés, insérés dans un transistor de taille virion dans une cellule sans la tuer. Il admet que c'était son objectif depuis le début, mais la procédure était délicate. Il ne suffit pas de percer la cellule, car les transistors ont besoin d'un fil source à partir duquel les électrons coulent et d'un fil de drain à travers lesquels ils sont déchargés. Lors des premières tentatives, les dommages causés par l'insertion ont tué la cellule assez rapidement. Mais lorsque son équipe a redécouvert le nanofil en épingle à cheveux d'une couche lipidique grasse, la même substance que les membranes cellulaires sont constituées, l'appareil a été facilement tiré dans la cellule via la fusion membranaire, un processus lié à celui utilisé par les cellules pour engloutir les virus et les bactéries. Cette innovation est importante, explique Lieber, car elle indique que lorsqu'une structure artificielle, aussi petite qu'un virus ou une bactérie, elle peut se comporter comme des structures biologiques. Un rapide coup d'œil au site web de Lieber montre, avant son arrestation, que lui et ses singes travaillant sur l'électronique maillée, semblable à un réseau neuronal et une méthode de livraison non invasive dans les régions cérébrales distinctes ciblées via l'injection à la seringue. Essentiellement un outil pour transformer les humains en robots biologiques. Ils avaient déjà réussi à injecter dans le cerveau d'une souris en 2015. Ses sponsors incluent The Office of Naval Research, Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, et Air Force Office of Scientific Research. Bien que Lieber soit également parrainé par le National Institute of Health et ses prétentions d'être le second venu de Jonas Salk, la majeure partie de ses sponsors sont dans le but de tuer des gens. Ils n'ont aucun intérêt pour la médecine ou tout ce qui ne peut pas être armé, et vous pouvez parier à la ferme que la Chine ne lui a pas payé tout cet argent pour de nouvelles approches puissantes pour le traitement de maladies neurologiques ou neurodégénératives. Bien sûr, la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler du docteur Charles Lieber et pensent que Morgan Freeman est le plus grand scientifique vivant d'Amérique. Mais d'autres scientifiques et professionnels de la santé, les gens instruits, devraient trouver la connexion de Lieber à Wuhan plus que troublante. Fin de cet article. L'article suivant, qui a été publié mardi le 28 avril. COVID arnaque. Un ancien officier du renseignement militaire russe, GRU, cette pandémie est un mensonge. Tant que nous ne nous débarrasserons pas des parasites internes, intérêts financiers sionistes qui règnent sur nous, nous ne pourrons pas lutter contre d'autres parasites. Ça vient du colonel Vladimir Gaskov, du renseignement militaire russe, qui expose l'agenda du nouvel ordre mondial sur le coronavirus. Le colonel Gatskov, excusez, c'est un mot en russe, là, puis j'ai un peu de misère. Ancien du Centre d'études et de défense stratégique de l'état-major général des forces armées russes. Le phénomène des coronavirus, la soi-disant pandémie, et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de pandémie, tout ça, ce n'est qu'un gros mensonge. Il doit être considéré comme une opération spéciale stratégique mondiale. Ce sont des exercices de pouvoir sionistes et financiers qui manipulent en coulisses le monde pour le contrôle de l'humanité. Ils veulent réduire notre liberté et accroître leur contrôle politique. Le coronavirus et la crise financière qui ont immédiatement éclaté sont inextricablement liés. Une première tentative mondiale de retirer des droits politiques des gens a eu lieu le 11 septembre 2001. Puis il y a eu une déclaration de guerre à l'humanité déguisée en guerre contre le terrorisme. Maintenant, ils ont besoin d'une autre excuse pour une prise de conscience de l'humanité. Le coronavirus a été lancé par les puissances sionistes financières mondiales dans le but de limiter les droits politiques et de faire peur aux gens. Le coronavirus a une origine artificielle, c'est déjà prouvé scientifiquement. Nous recevons une propagande d'information psychopolitique spéciale, une opération des médias de masse mondialistes au service de pouvoirs en coulisses qui créent cette terreur. Ils, entre guillemets, scrutent et recherchent qui obéit et qui n'obéit pas. De plus, les relations économiques sont passées par l'économie réelle à la bulle financière de l'économie virtuelle, ce qui doit maintenant être dégonflé. En Chine, ils ont une façon patriotique et une autre pro-américaine dont le seul intérêt est le fric. En guillemets, les traites. qui ont essayé d'utiliser le coronavirus à Wuhan, entre guillemets aussi. Jusqu'à présent, le président Xi, jusqu'à ce que le président Xi mette fin aux enfermements. Fermez la parenthèse. Et puis, ça a commencé en Europe. L'Europe et la Chine sont deux adversaires géoéconomiques des États-Unis et c'est là qu'ils ont d'abord injecté ce virus. Un autre objectif est de réduire la population mondiale. Ils pensent qu'il y a trop de gens ordinaires. Ils veulent 100 millions de leur propre genre et peut-être 1 milliard de serfs pour les servir. Tant que nous ne débarrasserons pas de nos parasites internes qui règnent sur nous, nous ne pourrons pas lutter contre les autres parasites. La source, c'est le Russian Military Intelligence. Pandemic is a liar. Ça a été traduit. Voici une traduction de l'interview. Vladimir Velsky... Oh, sacrifice que j'ai de la misère avec les noms russes. Valiestikarov. Je les ai pratiqués, mais il n'y a rien à faire, ça ne me rentre pas dans la tête. Excusez, je peux peut-être vous les appeler. V-A-S-I-L-Y-E-V-I-C-H. Puis son autre nom, c'est K-V-A-C-H-K-O-V. Ancien responsable du renseignement russe a déclaré dans une interview à la télévision russe devant 100 millions de téléspectateurs que l'épidémie du COVID-19 est un contrôle mondial de l'initiative d'un nouvel ordre mondial. L'ancien colonel des Spetsnaz, auteur, docteur en sciences militaires et publiques, Vladimir je vous l'ai appelé tantôt, là, c'est la même chose, a déclaré dans une interview télévisée en Russie qu'il n'y a pas de pandémie, que c'est tout un mensonge. Le COVID-19 est en fait une arme qu'ils utilisent pour se renseigner sur l'avenir proche, sur la possibilité de domination mondiale. Le colonel a également déclaré dans une interview « Ceux à la tête de l'élite économique mondiale visent à diluer la population mondiale. C'est tout leur gagne-pain. Le reste des personnes qui les serviront ne devrait pas dépasser 1 milliard de personnes et alors ils peuvent vraiment célébrer et savourer à volonté. Donc, il y a un lien entre le virus du COVID-19 et le ralentissement économique mondial, le lien le plus étroit avec lequel les gens se sont habitués à un certain niveau de vie et de liberté. C'est donc ce qu'ils font avec ce virus, a-t-il déclaré. De la théorie mondiale des armes biologiques au contrôle de la vie humaine, le général décrit ensuite l'attaque terroriste contre les tours jumelles du 11 septembre et déclare « Leur première expérience de contrôle du nouvel ordre mondial a eu lieu dans la période du 11 septembre lorsque les tours jumelles de New York sont tombées. Comme mentionné, il y avait 4 avions dans cette histoire et les médias ne montrent constamment que 2 des avions qui sont entrés dans les bâtiments jumeaux. Selon les Américains, 2 terroristes ont saisi des avions Boeing et sont entrés directement dans les tours jumelles du World Trade Center. Les enquêteurs ont relevé que des terroristes s'étaient apparemment entraînés sur de petits avions simples. Cependant, j'ai parlé à des pilotes de Boeing hautement expérimentés qui prétendent que c'était impossible pour quiconque qui pratiquait auparavant. Oui, sur des avions qui ne sont pas de ce genre de Boeing, pour les faire naviguer avec une telle précision, même les pilotes très expérimentés qui atterrissent sur des terrains d'atterrissage ont toujours besoin de navigation extérieure et prennent du temps jusqu'à ce qu'ils atterrissent avec une grande précision et succès. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est une tâche impossible. Nos pilotes militaires ont enquêté sur le problème et ont conclu que ces 2 avions ne pouvaient atteindre autant et toucher les des bâtiments que si quelqu'un contrôlait ces avions à distance avec des pilotes eux-mêmes dans l'avion. Aucun contrôle. Soit dit en passant, la base de chercheurs qui ont enquêté sur le problème des tours jumelles était dans un endroit appelé Lourdes et après notre enquête, cette base a été complètement détruite pour une raison quelconque. Le colonel a également déclaré, « Les Américains affirment que l'attentat sur le bâtiment du Pentagone était un énorme Boeing qui l'a percuté un bâtiment de 5 étages. La question est, alors, où sont les débris de l'avion? Il n'y avait pas de débris de l'avion au Pentagone. Un avion, pas de cadavre, pas de preuves, rien. Dans un cas d'enquête typique, on rassemble toujours les parties de l'avion qui ont été laissées pour comprendre les causes de l'attaque, et ici, il n'y a tout simplement rien. La partie du Pentagone détruite était à ce moment-là en pleine rénovation. Selon nos chercheurs, les gens qui sont venus dans la région ont en fait envoyé une fusée dans le but exact de la construction du Pentagone et une attaque terroriste créée par un avion. En fait, c'était le programme de l'élite gouvernant dans les coulisses dans leur première tentative d'exercer un contrôle sur les humains en contrôlant par la peur. Par conséquent, même ce qui se passe maintenant avec le coronavirus, ce qui n'est pas du tout une épidémie, sur la planète, beaucoup moins que ce qu'ils disent dans les médias. Bien sûr, nous sommes désolés pour chaque personne décédée, mais si nous la comparons avec le nombre de personnes sur la planète, c'est un nombre très minime. Une autre des tentatives de l'élite économique gouvernante d'inculquer la peur aux êtres humains et, ce faisant, de leur ôter leur liberté générale auxquelles les humains sont habitués à la dernière génération, c'est leur objectif initial. Mais l'objectif général est, comme je l'ai déjà mentionné, diluer la population de la Terre. Ils veulent juste contrôler l'humanité en un contrôle absolu. Ils veulent renverser l'économie mondiale. C'est pourquoi toute l'épidémie a commencé en Chine. Les médecins chinois, après avoir fait des recherches sur le virus, sont arrivés à une conclusion sans équivoque. Ce virus est un produit de laboratoire présenté aux humains. Généticiens chinois et autres experts du monde sont arrivés à cette conclusion. Ici, en Italie, nous voyons que le virus est plus fort que dans le reste du monde et beaucoup plus de personnes sont infectées et sont mortes. Encore une fois, si nous regardons sous un angle différent et regardons les données, nous constatons que chaque année, en Italie, les malades avec des soucis respiratoires meurent 10 fois plus que leur maladie que du coronavirus. Tous les résultats de l'infection et de la mort suite soi-disant au coronavirus qu'ils ont aujourd'hui sont honteusement faux. Encore une fois, je souligne, leur objectif est de faire tomber la terreur et la peur sur les humains, de voir quel groupe de personnes ou quel état ils peuvent contrôler ou pas. Conclusion du colonel. Le prochain article, ça a été écrit en date du 7 mai 2020. La Chine remplace l'ISAM en tant qu'ennemi de l'Occident. L'auteur Peter O'Born. Peter O'Born a été élu meilleur commentateur blogueur en 2017 et désigné journaliste indépendant de l'année 2016 à l'occasion de Online Media Award pour un article qu'il a rédigé pour le Middle East Eyes. Il a reçu le prix de chroniqueur britannique lors de l'année des British Press Awards de 2013. La Chine est aujourd'hui présentée comme un nouvel ennemi essentiel, tout comme l'islam l'a été pendant 20 ans. Comme les attentats sous fausse bannière du 11 septembre ont servi à déclencher les guerres et les changements de régime dans le monde musulman en général, et le monde dit arabe en particulier, entraînant l'extermination de millions de musulmans, la COVID-arnaque sert aussi à déclencher des attaques contre la Chine. Comme pour la guerre contre le terrorisme, la triade anglo-sioniste d'États voyous, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël est à la pointe de ces attaques. Signé As Jenissiri. Il y a peu plus d'un quart de siècle, le politicologue américain Samuel Huntington écrivait son célèbre essai sur le choc des civilisations. Celui-ci donna le ton à une série de guerres. Huntington écrivait après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide entre l'URSS et l'Occident. Plutôt qu'une ère de paix, Huntington prévoyait une nouvelle lutte entre ce qu'il considérait comme des ennemis irréconciliables, l'islam et l'Occident. Huntingdon affirmait que l'identité plutôt que l'idéologie était au cœur de la politique contemporaine. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « Et comme nous le savons, de la Bosnie au Caucase en passant par le Soudan, une mauvaise réponse à cette question peut signifier une balle dans la tête. » L'islam a des frontières sanglantes, ajoutait-il. Des hommes politiques occidentaux, comme l'ancien président américain George W. Bush et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, ont suivi l'exemple de Huntingdon. Au cours du dernier quart de siècle, de nombreux pays musulmans ont été la cible des États-Unis et de leurs alliés. Pendant ce temps, les musulmans ont souvent été dépeints dans les médias occidentaux comme des idéologues radicaux sans foi ni loi, ainsi qu'une menace existentielle pour le monde. Cela a donné lieu à une islamophobie virulente en Occident et notamment à l'essor de partis politiques d'extrême droite en Europe. Je soutiens aujourd'hui qu'une grande partie de cette hostilité nocive pourrait bientôt se résorber dans le contexte de la tragédie du coronavirus. C'est en partie parce que ces sacrifices consentis par les musulmans sont si évidents et ont été si importants, en particulier en Grande-Bretagne, qu'un changement tardif pourrait subvenir dans les attitudes du public. Les quatre premiers médecins à mourir de l'épidémie au Royaume-Uni étaient tous musulmans. Il y a toutefois un deuxième facteur à l'œuvre. La pandémie de coronavirus remodèle la géopolitique mondiale. L'Occident aime ou a peut-être besoin d'un ennemi, et la dernière cible est la Chine. La menace chinoise. La Chine est présentée comme le nouvel ennemi existentiel, tout comme l'islam l'a été pendant 20 ans, et par les mêmes personnes, les mêmes chroniqueurs, les mêmes think tanks, les mêmes partis politiques, les mêmes agences de renseignement. Après le célèbre essai de Huntingdon qui mena la charge contre les musulmans, ou ce qu'ils appellent souvent l'islam radical, ils ont maintenant tourné leur attention vers l'Extrême-Orient. Le président américain, Donald Trump, chasseur de musulmans en chef, s'en prend désormais à la Chine, assez similairement à ce que Bush, son précédent républicain, a fait en 2003 en attaquant l'Irak ou encore l'axe du mal, il y a 20 ans. Lors de sa campagne électorale en 2016, Trump a accusé la Chine de violer l'économie américaine. Cependant, depuis le début de la pandémie du COVID-19, les attaques de Trump ont gagné en vitesse et en ampleur. Il a accusé la Chine de dissimuler le virus et de mentir sur le nombre de morts. En avril, il a même mis un terme à la contribution des États-Unis au financement de l'Organisation mondiale de la santé, l'accusant d'être concentré sur la Chine. Les journaux britanniques qui ont abattu des forêts entières pour déverser leur bile contre les musulmans ont désormais tourné leur attention vers la menace chinoise. The Sun, qui a battu les tambours de guerre en faveur de l'invasion de l'Irak en 2003, a publié un article sur un rapport alléguant que le virus avait été délibérément développé par la Chine pour prouver qu'elle était plus efficace que les États-Unis pour lutter contre les maladies mortelles. L'Agence britannique de renseignement étranger, le MI6, qui a aidé à construire le dossier des armes de destruction massive ayant permis l'attaque calomnieuse de Blair contre l'Irak, a maintenant la Chine dans son viseur. S'exprimant sur l'émission Today de la BBC, l'ancien chef du MI6, Sir John Sawyer, m'a beaucoup surpris en soutenant que Trump, dans sa décision de retirer la contribution financière à l'Organisation mondiale, a déclaré « Il y a une profonde colère en Amérique à propos de ce qu'il considère comme ayant été imposé par nous tous par la Chine et la Chine se soustrait à une grande partie de sa responsabilité dans l'origine du virus dans sa gestion initiale. » En Grande-Bretagne, le discours d'anciens chefs de l'espionnage sont toujours considérés comme représentant le point de vue actuel de l'intérieur et du MI6. Pendant ce temps, le premier ministre britannique par intérim durant l'absence de Boris Johnson, Dominic Raab, a déclaré qu'après le coronavirus, il n'y avait aucun doute que les relations avec la Chine ne seraient plus comme avant. L'éditorialiste Mélanie Phillips, critique de longue date de l'islam dit radical, a récemment utilisé sa chronique dans le Times pour avertir que l'Occident ne pouvait plus fermer les yeux sur la Chine. Bien sûr, il y a de bonnes raisons de critiquer la Chine. Des preuves suggèrent que Pékin n'a pas été transparent au cours des premiers stades de l'épidémie ou concernant le nombre de cas qu'il a déclarés. D'un autre côté, de nombreux autres pays, y compris la Grande-Bretagne, sont également coupables de dissimulation et de supercherie. Ce qui rend le changement d'atmosphère autour de la Chine si remarquable, même les think tanks néoconservateurs qui fulminent contre les manifestations de l'islam depuis si longtemps, ont trouvé un nouvel opposant. Le Henry Jackson Society a été l'un des plus critiques et des plus constants de ce groupe de réflexion néoconservateur qualifié d'islam radical ou d'islamiste. Maintenant, il ouvre la marche avec une série de rapports et d'apparitions médiatiques attaquant la Chine. De fait, les attaques de la HGS contre la Chine ces derniers mois ont augmenté de façon exponentielle. La dernière en date était un sondage mené par le think tank qui a servi de base à un récent article du Time révélant que plus de 80% des Britanniques veulent que Boris Johnson fasse pression pour une enquête internationale sur la gestion par la Chine de l'épidémie du coronavirus à son début. Le docteur John Emmings, associé au HGS, a écrit un article dans le Télégraphe soutenant que le retrait américain du financement de l'OSM mettait en garde contre l'augmentation de l'influence maligne de la Chine. Matthew Anderson, directeur de l'Asia Studies Center de la HGS, a lancé une nouvelle série de vidéos en partenariat avec The Sun intitulée « Hot Takes ». Le premier épisode pose cette question. L'épidémie de coronavirus est-elle le Tchernobyl de la Chine? C'est également un rapport de la HGS qui a fourni la base d'un article du Mail on Sunday suggérant que la Grande-Bretagne pourrait poursuivre Pékin devant les tribunaux internationaux pour obtenir une compensation de 351 milliards de livres sterling, c'est-à-dire 437 milliards de dollars. Le Guidestone Institute a fait la comparaison entre la Chine et l'islam radical de manière encore plus directe encore. Sans crainte de ridicule, il a décrit l'épidémie de coronavirus comme un autre 11 septembre pour l'Occident. Une nouvelle ligne de fracture. On pourrait se tenir que depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a besoin d'un ennemi de remplacement. Il se pourrait que l'Occident ait trouvé un nouvel ennemi. Si c'est le cas, les musulmans peuvent respirer un peu plus librement. Gardez à l'esprit que le choc des civilisations de Huntingdon qui avertissait que les lignes de fracture entre les civilisations seraient les lignes de bataille à venir, ne concernant pas seulement que la civilisation islamique. Huntingdon mettait en garde contre une deuxième civilisation challenger outre l'islam. Selon lui, la Chine était la menace à long terme la plus puissante pour l'Occident. Tout ne changera pas du jour au lendemain. J'ai le sentiment que l'Iran restera dans le collimateur de la Maison-Blanche, tant et fort le lien personnel qui unit Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais nous arrivons peut-être à la fin de la longue période durant laquelle la principale ligne de fracture était l'islam. Il se pourrait que l'Occident se soit trouvé un nouvel ennemi. Ici, c'est le cas, les musulmans peuvent respirer plus librement. Par Peter Osborne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end. C'était Marie-Claire Tellier pour Radio Impact. Las puertas están cerradas y las ventanas.